starts now. Faut faire le plein de bonne humeur. Ça tombe bien, vous êtes à l'heure. Dès 20h, c'est du direct. On va rire, ce sera marrant. On s'en fiche du reste, on s'en fiche des autres. Les bons délires, ça, on leur fait confiance. Durant 2 heures, sans une prise de tête, c'est bien parti, on délire ensemble. Jadoul, Jadoul, Jadoul, tous les mercredis. Jadoul, Jadoul, Jadoul, dans la trappe. Jadoul, Jadoul, Jadoul, tous les mercredis. Jadoul, Jadoul, Jadoul, dans la trappe. 3, 2, 1, dès 20h, la trappe avec Jadoul et toute son équipe sur KIF. Waouh! Il y a des semaines comme ça où tout le monde est à côté de ses pompes et je pense que l'équipe fait partie de ce creux. Ah bah là, c'est... on est en plein dedans. Ça va, tout le monde a installé? Voilà, mon casque est mis, c'est bon, tout est branché, on peut commencer. 1-2, 1-2, Paris-Bordeaux, Le Mans, ouais c'est bon. Oh la vache, mais Kix, je t'ai jamais vu autant en galère. Non mais ça va encore, allez. Non, ça ne va pas, non. Voilà. Attends, c'est pas à toi qui se frotte quand il passe. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Non mais j'ai pas beaucoup de place, alors je suis obligé de me frotter à Maëva et Antoine. Antoine, ouais. Soi disant à cause de la place. Ouais, genre, il va chercher les billes et les laisse là-bas juste pour passer deux fois, quoi. Voilà. J'ai eu une journée, j'ai l'impression qu'elle allait jamais avoir de fin, et la preuve, c'est qu'elle n'est pas finie. Et on est là. Ah, ouais. Merci à vous d'être là dans cette équipe, ça fait déjà plaisir de vous voir ici. Et bah, apparemment, ça nous fait aussi plaisir que tu sois là. À croire que c'est un rendez-vous, hein. À croire, on dirait, hein. Oh, c'est fou. On est là pour faire un peu de radio jusqu'à 22h et des poussières. On va se changer les idées en plein milieu de la semaine, on en a bien besoin et on a prévu plein de surprises pour vous. Alors inutile de vous dire que j'ai une équipe d'action ce soir. Entre une qui est complètement rincée parce qu'elle a fait un aller-retour à Disneyland Paris, un qui perd ses affaires, qui se cogne dans absolument tout. Et une fois qu'il a fini d'aller chercher ce qu'il devait aller prendre, il l'oublie. Sur place. Pour me frotter, évidemment, hein, c'est ce qu'on dit. On avait parlé il y a quelques temps dans cette émission de la malédiction de Kix. Sa malédiction est que dès qu'il touche une machine, il a réussi à nous flinguer un MacBook Pro à la production. Enfin, le gars, il est arrivé, il a explosé l'ordi et lui a fait « Mais je comprends pas, je me suis juste connecté. » Voilà, c'est pour voir si les techniciens bossent bien sur le matériel. Ouais, on a dû en racheter un. Bref, ouais. Voilà. Et maintenant, t'arrives à nous flinguer l'imprimante du studio. Comment c'est possible? Bah écoute, c'est un don, je peux pas tout dévoiler parce que sinon c'est... Voilà, vous allez pouvoir faire pareil et le savoir envie, faire. Mais voilà. Ok, d'accord. De père en fils. Bah comme quoi, vous voyez, dans l'équipe, il y a pire. Ne vous mettez pas trop de pression. Allez, on se détend ce soir. Qu'est-ce que je peux faire pour me détendre? Un petit peu de flûte. Ouais, j'ai fait un peu de progrès, non? Léger. Ça change de la fanfare. Oui, bah écoute, la fanfare... Moins de budget, mais très sympathique. Ouais. C'est vrai qu'au final, si j'avais pas fait de la radio, j'aurais dû faire une fanfare. Vous seriez venu dans ma fanfare? Oh, bien sûr. Ouais. On aurait fait 10 millions de vues sur YouTube. Hein. Tu sais jouer de quoi, toi? Moi, je fais du klaxon et du claquement de pied. Ah, c'est super. Personne sait jouer d'un instrument dans cette équipe? Le triangle. Le triangle, oui. J'ai dit, le triangle. La batterie. La batterie? Oui, j'en ai fait pendant 8 ans. Découvrez ma... Au bout d'un an, j'arrive toujours à vous surprendre. Wow. Mais quelle femme de rebondissement. On l'appelle la balle magique dans le métier. Alors que maintenant, on va l'appeler la batterie. Non, c'est pas que la batteuse. Non, c'est la batteuse. La batteuse. Oui. Oh là, oh. On dirait plus un truc pour faire les œufs. Ça a l'air si grave. Donc ça veut dire que... Merci. Vous êtes ignoble. Genre ça... T'arriveras à le faire à la batterie? C'est assez basique, ça, ouais. Ok, amenez-nous une batterie. Et Maëva, la batteuse. Fous-nous la paix, Kix, ce soir. Je sens que l'émission va être très longue. Je pense qu'on a tout pour démarrer. Ah non, je vous ai pas présenté l'équipe. Oui, c'est vrai. Oh, bah ça, c'est con, on parle de tout le monde, mais on présente personne. Oh. À commencer par notre ingénieur, celui qui nous permet d'être toujours à la pointe de la technologie. On comprend pas tout ce qu'il dit. Mais on est content de l'avoir, parce qu'on a l'impression d'être intelligent après avoir écouté ses chroniques. Bonsoir Antoine. Bonsoir, vous allez bien? Bah alors, 2 semaines d'affilée, on va découvrir pourquoi. Parce qu'il y a un breaking news, il y a évidemment une alerte info qu'on aura un peu plus tard dans l'émission. Tout à fait. Il faut qu'Antoine nous reparle d'un sujet mais ultra brûlant qui monopolise toute l'actualité. Ça fait les titres en boucle. Enfin bref, on est là pour traiter aussi l'information brûlante. Et merci Antoine d'être là. Le plaisir. Pour faire ça dans quelques instants. Maëva! Oui. La batteuse? Oui. Ça va? Ça va et toi? T'as passé ta journée à Disney hier? Oui. C'était bien? Oui. C'était... T'as pas tiré les oreilles de Mickey? Moi non. Non? Non, j'ai fait. Non, c'est mon rêve. J'ai fait coucou. Oh. Ah ouais. Je fais partie des gens. Oui, oui. Je fais partie des adultes qui, sur le bord de la barre, font coucou aux personnages. Ils sont contents quand les personnages leur font coucou. Et voilà. Alors, une vraie question, t'as perdu combien d'argent? L'histoire est longue, mais c'était gratuit. Ah, c'est marrant, excusez-moi. J'ai ma mamie qui a eu des places gratuites parce qu'elle est abonnée au Mamie Paula. Revues. Voilà, merci Mamie Paula. Ouais. Ça n'invite pas. Mais non, mais c'est pas grave, on retient. Non, mais c'est bien, ouais. Non, ça fait plaisir. Mais j'aurais pas su choisir entre vous trois. Ouais, mon cul. C'est qui le patron? Et Kix pour nous accompagner tout en bonne humeur et en fanfare. Alors, c'est ça. Merci. Bonsoir. Ça y est, le cortège est lancé. On peut démarrer cette émission ce soir. Merci de nous avoir choisis. D'ici quelques minutes, le Pour Toi de la semaine reviendra sur Images à l'appui, un moment cocasse de la vie, mais qui peut tous nous arriver. Et on aura aussi l'occasion de revenir sur un reportage très pointu de RTL. Là, vous allez me décortiquer tout ça. On verra qui est le plus malin de l'équipe. Les 20h, c'est la trappe sur KIF. Deux journalistes, trois producteurs, 4 heures d'antenne, 5 auteurs, 0 problème technique, 6 personnes au micro. Jadoul, dès 20h, en direct. Enfin, ça, c'était le projet. KIF leur a finalement accordé 5 euros et un repas chaud. Et voici ce que ça donne. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Ça s'appelle l'art de se vendre et de ne pas allumer son micro après le jingle. Bah, ils ont oublié les bonnes habitudes. Ouais, je suis déphasé, moi. Je sais même plus quel jour on est. On est mercredi. Oui. Bah, oui. Ah, c'est bah, ça, oui. Vous êtes tous dans ma chambre. On est mercredi. Le fameux rendez-vous de ma chambre. Non, le fameux rendez-vous du mercredi, mercredi soir. Oui, son lit juste en haut. Ah ouais, moi j'ai un Mac là-haut. Voilà. Ouais, dans le studio. Ouais, il faut expliquer pourquoi. Bah Ah là, c'est moins drôle. On a quelques petits travaux à faire, donc c'est-à-dire que le plafond est en travaux là. Voilà. Du coup, il y a une petite toile qui pend en attendant. Ouais, on peut faire pendre du linge aussi, hein, tant qu'on y est. Bon. Maintenant qu'on a bien vendu l'émission et qu'on a bien vendu ce studio, il est temps qu'on fasse le Pour Toi de la semaine. On va revenir sur Jessica. Son mari, Marie, il n'y a pas de E à la fin, sinon c'est Marie, le prénom de meuf. Écoute, il s'est rajouté par la faute, ouais. Par une faute, elle, ça fait tout de suite. Et leurs deux enfants ont eu une curieuse surprise dans leur reménagement dans le Hainaut. Le problème, c'est que leurs voisins ne sont pas comme les autres. On découvre pourquoi. Il y avait des voitures tout le temps qui venaient. Ben, c'était 3-4 voitures. Des gens qui venaient tout le temps. Ben, après, je me suis dit, bon, ben, elle reçoit beaucoup de visites à côté. Non, la voisine est populaire. Et il est vrai qu'avoir des voisins qui accueillent beaucoup de monde, ça peut être vite dérangeant sur la durée, hein, même s'il n'y a rien de grave, oui, de grave, oui. D'interdit là-dedans. Bon, oui, ça peut être embêtant. Mais qu'est-ce qu'on fait? Quand on veut s'affronter à la vérité, ben on mène un petit peu son enquête, on essaie de voir ce qui se passe chez les voisins. Je me retourne et là, je reste paf parce qu'elles avaient ouvert le store et il y en avait une qui était devant la fenêtre en sous-vêtements et entre guillemets, elle racolait parce qu'il y avait un monsieur qui se promenait, qui n'arrêtait pas de faire les allées-venues sur le trottoir et elle racolait à la fenêtre. On a enfin une interview des voisins de Maëva. Mais enfin Mais... C'est pas gentil. Non mais en face de chez elle se trouve un bordel, tout simplement, c'est fou. Alors bon, ce n'est pas réellement le voisinage qu'on espère avoir quand on emménage quelque part, forcément. Et donc là, moi, j'ai vu rouge, là, j'ai dit non. Depuis novembre 2021, mon activité en est impactée parce que ben, on entend tous les bruits à côté. Et la clientèle, ben, elle a du mal à se relaxer, à se reposer. Comme elle devrait le faire quand elle va, quand elle pousse les portes d'un institut, quoi. Oui, parce que c'est un institut de beauté qui est là chez elle à la maison. Ok. Donc forcément, imaginez la scène. Hein. Bonjour, détendez-vous. Ouais, vous êtes plutôt bien. Relâchez vos muscles. Ne bougez pas. J'ouvre la fenêtre pour vous aérer l'esprit. Non, je referme la fenêtre. Détendez-vous. Non, ça ne marche pas, voyez, vous comprenez. Alors bon, il faut aller un petit peu plus loin. Je leur explique plein de choses, comme par exemple, ils sont petits, leur corps, ça leur appartient, c'est à eux et tout. Et j'ai pas envie que mes enfants voient ce genre de choses. Surtout mon fils, allez, il a 8 ans. Oui. J'ai pas envie que plus tard, qu'ils se disent, oh ben c'est normal au fait d'aller au bordel, c'est normal de prendre une femme, de la payer et de faire ça. J'ai pas envie que mes enfants voient ça. Et j'ai pas envie que ma fille, justement plus tard, me dise, oh ben maman, je vais faire ça, c'est normal, ça s'est passé à côté. Ah bah oui, si les voisins le font. Oh, la famille, oh, c'est incroyable. Ouais, mais il faut évidemment que ça aille toujours plus loin dans les brouilles et dans le dérangement. Ici, on a dû monter des palissades parce que des fois, elles étaient en petite tenue sur la terrasse. Et alors, il faut s'imaginer aussi en été, quand il fait super chaud, leur fenêtre à l'arrière est ouverte. Et donc là, on les entend en plein débat sexuel et tout ça pendant que nous, on est en train de jouer ou qu'on reçoit de la famille dans le jardin. Mais Maëva, enfin! Sympa la soirée raclette. J'imagine le barbecue, quoi. Et ça doit être super sympa. Il te reste un peu des merguez, s'il te plaît. Ah, d'accord, ok. C'est encore plus honte que honte. Ouais, là, c'est vraiment archi compliqué pour elle parce que, voilà, la pauvre Jessica, son mari et ses deux enfants, comment est-ce qu'ils peuvent gérer la situation, là? Je leur explique plein de choses, comme par exemple, ils sont petits, leur corps, ça leur appartient. Mais oui, il faut dire ça aux enfants, c'est important. On se dit, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont arriver, ils vont tirer des coups de feu ou... et quoi? Mes enfants, on est dans notre maison, oui, parce on va avoir des problèmes. Un bordel, c'est aussi un lieu pour les trafiquants de drogue et le point clé, forcément, pour toute une plaque tournante. Donc c'est compliqué, tu ne te sens pas à l'aise à côté de chez toi quand t'as tout ce monde là. Bon, finalement, une question qui tourne en boucle, pourquoi ne pas déménager dans une zone un peu mieux fréquentée que celle-ci? On a déjà pensé à vouloir changer de domicile, mais financièrement c'est pas possible. Et après on se pose la question, on fait quel propriétaire va vouloir acheter une maison avec un bordel à côté? Ou alors il faut simplement envisager une reconversion professionnelle. Dès 20h, c'est La Trappe sur KIF. Casting pour remplacer Jadoul. Allez-y. Jadoul vous dit bonsoir. Nous sommes en direct dans La Trappe. Ah, oh, c'est pas terrible. Suivant. Dès 20h, Jadoul et son équipe en folie. Non, ça ne le fera pas non plus. Désolé. Suivant. Le mercredi. Dès 20h, c'est Jadoul et sa fanfare pour vous servir. Bon, tant pis, on va devoir garder l'original. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde est bien installé? Oui. Bien sûr. Oh là là. Ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Wow. À la semaine prochaine. Oui. Pourquoi est-ce qu'on lui donne encore le micro? Mais sans déconner. Dans quelques minutes, on va avoir un breaking news, un flash info spécial. La Terre va s'arrêter de tourner, j'ai envie de dire. Antoine est là avec un dossier. Voilà, je pense que tous les médias vont en être secoués. Il faut des lanceurs d'alerte, il faut des gens alarmants, il faut des gens pour mener des combats médiatiques. Et on a l'homme de la situation. Ah bon, Antoine. Là, on a. Alarmant, je clignote dans la nuit. Et est-ce que tu n'es pas trop stressé par rapport aux révélations que tu vas nous faire dans quelques minutes? Ouf, je tremble. Actuellement, je fébrile. On embrasse Fébril et tous les confrères journalistes qui écoutent. Dans quelques minutes, on va avoir aussi la séquence de Maëva, la mise à jour. Je vais parler de Sam Altman. Voilà. D'accord. J'ai vu son nom partout sans savoir qui il était. Donc du coup, peut-être que vous aussi, vous avez vu son nom sans savoir qui était cette personne. Je vais vous l'expliquer. Ah ben, ça ne me fait rien du tout pour l'instant. Pour éviter d'être un boomer, ouais. Maëva va tout nous expliquer. Parfait. Voilà. Bon, merci de nous tenir à la page. Mais qu'elle est forte. Pas qu'on passe pour des cons, nous. Allez, il est temps qu'on vous parle. J'ai un texte pour ça ou pas? Est-ce que tu as un texte? C'est la question. Oui, t'as un petit texte vite fait. Oui. Ah ouais? Je le veux bien. Non, mais t'as pas du tout. Moi j'ai rien, j'ai que la conduite. Ah, c'est vrai, je t'ai pas filé mes feuilles d'avant? Ah non. Ah, je pensais que je t'avais filé les trucs. Attends. Que je jetais. Cette émission est en direct. Hein. Ouais. Vous découvrez forcément. Merci. Merci. Tu veux lire l'actu avant? Ouais. Mais en fait, on n'a pas eu le temps de trop préparer là, l'avant-émission, donc les feuilles sortent encore, elles sont toutes chaudes de l'imprimante. Hein. Bon, on va vous parler de la Belgique, qui a un énorme projet. Mais un projet ultra technologique. Et là, je m'adresse... Un peu trop d'ailleurs, technologique. Au professionnel de cette émission, Antoine. Je m'adresse à Maëva. Oui. La goulue de l'équipe. C'est gratuit. Tu dis ça parce que je viens de bouffer trois fruitelles là, c'est oui, ça? Oui, tout à fait. Écoutez bien ce sujet du RTL Info. Il faudra que vous me résumiez de quoi ça parle. Ok. D'accord. On va voir si les journalistes ont bien vulgarisé le sujet comme on leur demande de faire pour des gens un peu comme moi. Attention, on écoute. Les ondes gravitationnelles nous traversent en permanence. Elles déforment très légèrement la matière. Elles sont générées par exemple par la collision de deux trous noirs à plus d'un milliard d'années-lumière de la Terre. Albert Einstein en avait démontré l'existence théorique. Elles ont été observées pour la première fois en 2015. Attention, interrogation, surprise. Maëva? Oui. Peux-tu nous résumer ce que le monsieur vient de dire en une phrase très courte? ça parle des ondes gravitationnelles qui ont été découvertes par Albert Einstein. Il en explique, il le dit. Non mais j'ai regardé Big Bang Theory, donc je connais. Forcément. Non, c'est fait avec deux trous noirs. Voilà. Ok, pas de problème. Antoine, écoute. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, l'épaisseur d'un cheveu, c'est environ quelques dizaines de microns. Le mouvement du sol, c'est de l'ordre de quelques microns. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que notre instrument bouge un million de fois moins que le mouvement du sol. Donc, pour vous donner une idée du niveau de stabilité qu'on cherche. Quoi. C'était très clair. Antoine ? Eh bien, je dirais que leur engin est très précis. Oh ! Ça marche. En tout cas, ça parle de micro-ondes. Ça passe. Micro-ondes. Et j'adore Sheldon Cooper aussi. Bon, c'est pour ça qu'on comprend. Il fait très très beau dehors. Kix, oui. Maintenant que tu as entendu les deux sons, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous dire de quoi ça parlait? Ah, évidemment. Alors, c'est très simple. Ça parle d'un corps qui se fait transpercer par des ondes avec un micro-ondes. Et c'est très micron. Donc c'est tout petit, quoi. Kix. Oui. Non, mais sans déconner. Écoute, voici le résumé. Le dispositif mesure des ondes, des vibrations. Ouais. Grâce à trois miroirs, à 10 km de distance les uns des autres, reflétant un faisceau laser. Enfin, c'était pas compliqué. Oh, j'étais pas loin, hein. Ouais, bon, c'est vrai. J'ai juste pas dit le mot miroir. Bah, de toute façon, je pense qu'une conclusion à tirer de ça, t'es même pas capable de résumer un reportage. Ça va générer de la recherche, de l'emploi. Bah oui, tout à fait. Oui, je m'y colle. Voilà, c'est la fin. Bon, les amis, avant de retrouver Antoine pour l'info brûlante de ces 7 derniers jours et l'interview brutale, notre invité ce sera Eddy de Préto. Très bien. Eh bien, ça se passe dans moins de 3 minutes. Il faut rester branché. Avant ça, de la publicité, car nous avons besoin d'argent. Tout à fait, c'est bien l'argent. La page réclame qui va suivre vous est offerte par Radio Falminioul. Ce message s'adresse aux mélomanes et vidéophiles exigeants sur la qualité du son ou de l'image sans compromis. Connaissez-vous la boutique? Adaptée à vos besoins dans le respect de votre budget. Vous propose un choix en haute fidélité. Home cinéma. Judicieusement sélectionné par un professionnel du son. Service personnalisé. Démo, judicieux conseil et garantie sans faille. 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Visible sur www. La publicité que vous venez d'entendre aidera Radio Falminioul à payer le courant. Merci. Ça n'étonnera personne que je dise que j'ai pas tout à fait compris. C'était très clair. Ouais. Oui, j'ai perdu 8 points d'audition à chaque oreille, je pense. Oui, je pense qu'on a fait au moins 3 dérapages là sur la route avec les gens qui nous écoutent en voiture. On vous embrasse si vous êtes sur le ring de Bruxelles, que vous rentrez ce soir. Dès 20h, c'est la trappe sur KIF. Actu connecté et les dernières tendances au départ sont dans la trappe. Bienvenue, on est en direct avec vous et ça s'entend. Cette émission est faite avec le cœur et non avec le talent, ce qui nous excuse pour beaucoup de choses. Eddy de Préto sera notre invité dans quelques minutes. Pour ceux qui ne connaissent pas Eddy de Préto, mais qui ne connaît pas Eddy de Préto, c'est ça. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous reste. Quel refrain, pas de refus non plus. Si, j'ai essayé d'être dans cette musique-là, c'était le mieux. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous reste. Tu seras viril mon kid, loin de toi, ces finesses tactiques. Oui. C'est la fête de trop. Là il est refrain. Moi je l'ai fait. Ah bah tu me trouveras le refrain dans la première, tu verras bien que c'est compliqué à trouver. Hein. J'ai fait toute la séquence, voilà. N'oublie pas qu'elle est à tout cas. Il y a des chansons qui n'ont pas de refrain. Hein. Ah merci Maëva, merci. Bah quoi, c'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est bien. on va jouer avec lui dans une interview combinée d'ici quelques minutes, ça va être bien marrant. Avant ça... Interview brutale, hein, oui. Ouais. C'est vrai que moi j'ai fait un bond d'une saison en arrière. La séquence a changé. Bienvenue en 2019. Oh là là. Bon, comment est-ce qu'on va tourner cette affaire? Bah, je pense simplement qu'il faut être honnête avec les gens. Il faut qu'on fasse notre édition spéciale, si vous le voulez bien. Est-ce qu'on a un petit générique édition spéciale? Sobre. Anthony Bott est avec nous pour nous parler des événements de ces derniers jours. Que se passe-t-il? Eh bien, il se passe, et c'est très raccord d'avoir mis le jingle de la RTB, puisqu'on va reparler d'un dossier brûlant qui est celui du télétexte et de la fin du télétexte. Quoi? Le télétexte? On vous annonçait la fin du télétexte pour le lundi. Jadoul, c'est tout, Jadoul. Tel de la TV, TV Vision. Arrête. Jadoul, arrête. Là, il fallait pas le lancer, hein. C'est le mot qu'il fallait pas dire. Ne redites plus jamais télétexte. Ne redites plus jamais ce mot. Antoine, s'il te plaît, tu peux traiter le sujet, mais ne dis plus le mot. Peut tenter de traiter le sujet. Donc, ce système que la RTBF utilisait encore et qui devait ne plus exister le 20 novembre dernier, c'est-à-dire lundi, va avoir droit à une petite prolongation jusqu'au 12 février prochain. Donc, si vous souhaitez encore utiliser ce système, vous avez encore un petit peu de répit. Oui, mais quel système? Parce que du coup, les gens ne savent pas de quoi on parle. Il faudrait peut-être expliquer. On parle donc de quoi? On parle d'un système britannique qui s'appelait le Sifax. Ah, bah, ça a détourné l'info. À la place du ni oui ni non, on a le ni oui ni télétexte. Bon, je l'ai dit. Le télétexte. Boulou boulou pique-nique douille. Le télétexte. Toi l'andouille. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à savoir sur le télétexte, Antoine? C'est tout ce qu'il y avait à savoir. Ah bah c'est bien, on retourne en boîte de nuit. Et alors sinon, une vraie info en dehors de ça, parce que ce monsieur, l'air de rien, a des connaissances en dehors du télétexte. Ah non, il va pas recommencer. Je propose qu'on renomme cette émission le télétexte directement, en fait. Avec Jadoul. Le télétexte avec Jadoul. Ah, ils sont chauffés sur la prod, hein. Ah bah là, ils ont tout donné, hein. A coûté une couille. Je vous propose que, voilà, on écoute Gims et juste après on revient avec la vraie chronique d'Antoine, puisque là il nous donnait juste des nouvelles du télétexte. On a quand même envie d'avoir des nouvelles du monde connecté, c'est bien ça. Et on va parler de Wi-Fi. Oh bah alors, elle s'appelle comment ces Wi-Fi? C'est le Wi-Fi 6E. Ah ok, Wi-Fi. Ah oui, pas Wi-Fi Wireless Fidelity. Bon. C'était pas un club échangiste. Merci de nous avoir... Après image à l'appui tantôt. Merci de nous avoir choisi, on revient dans un instant avec la chronique d'Antoine. Et revoici mon beau cri de l'éléphant. Grand. C'est la trappe sur KIF. L'actu connecté et les dernières tendances sont dans la trappe. Allez, place maintenant à la vraie chronique d'Antoine. On va parler de Wi-Fi. Oui, jolie fille. Plutôt d'ondes. Ce sera raccord avec l'histoire de qu'on parlait tout à l'heure. De... Je suis à la ramasse. Moi, il faut m'expliquer ce soir. Jadoul, on n'explique pas. On n'explique pas les blagues. Bref. Si, mais on explique, on peut pas dire le mot. Ah oui, je parlais de l'histoire avec les lasers, les miroirs, etc. Ah oui, non, mais ça, personne n'a suivi les stories. Voilà. Surtout Kix. Cette séquence, je ne serai même les pas dans le best-of ni dans le post. Oui. On a perdu tout le monde là. Hein. Donc le Wi-Fi. Oui, le Wi-Fi, bah oui. Il y a historiquement deux bandes de fréquences dans tous les routeurs fournis par les opérateurs, tous les routeurs et modems, le 2,4 et le 5 GHz. Mais il y a un souci, c'est que ben, comme nous sommes par exemple ici à Bruxelles, nous sommes dans une grande ville avec plein de monde, eh ben, tous ces canaux sont saturés de plus en plus. Bah, rien que tout avec ce qu'on émet dans le studio, je pense qu'on sature tout Bruxelles. Tout le monde a son Wi-Fi chez soi, chez lui, voilà, pendant que Jadoul est en train de montrer son point d'accès Wi-Fi. Et donc, la Fritzbox. Il y a besoin, une très belle Fritzbox, il y a besoin de nouveaux canaux pour étendre les capacités, pour pouvoir accueillir à nouveau tout le monde et que tout le monde ne se marche pas sur les pieds. Et cette bande de fréquence s'appelle le Wi-Fi 6E. Parce que c'est, ça j'ai déjà entendu parler, moi. 6 GHz. Donc, tu avais le 2, 4, le 5, et maintenant, tu as le 6 GHz. Et rien à voir avec la 5G. Ça n'a rien à voir avec la 5G. La 5G est sur d'autres bandes de fréquences. Et cette nouvelle bande de fréquences 6 GHz fonctionne avec le Wi-Fi 6 qui lui existait d'ores et déjà et qui équipe d'ailleurs ton point d'accès Wi-Fi juste derrière toi. Ok, et alors, est-ce que je peux poser vraiment une bête question ? Vas-y. Quel est l'avantage d'avoir un Wi-Fi 6 plutôt que du Wi-Fi qui est normal ? Du Wi-Fi 6E, tu veux dire ? Bien sûr. Par rapport au Wi-Fi 6. Ouais, c'est ça. Alors, le Wi-Fi 6E a quand même quelques avantages, notamment un plus gros débit. Ah, un plus gros débit. On peut dépasser le gigabit par seconde en Wi-Fi 6E parce qu'on a plus de place, donc on peut faire passer plus de données dans, on va dire, dans le tuyau du Wi-Fi. Là, moi, mieux comprendre. Voilà, pense à une autoroute. Ouais. Eh ben, on va dire que en Wi-Fi 6E, tu peux ajouter plus de bandes de circulation pour faire passer plus de voitures sur la même autoroute. En plus de ça, t'as tout. Mais si on n'a pas le permis, on fait comment? J'ai voulu participer. Il faut juste qu'on vous explique. Il y a Tata Janine au fond du studio qui était là tranquillement, vraiment. Elle était voilà, dans le fond en train décontractée. De. Décontractée. Vraiment, elle était là. Bon. Et là, elle se rend compte, oh, tout le monde fait « Ah !» Et elle va un peu vers son micro. Non, je... Elle fait un petit « Ah !» Non. Elle se rend compte que c'est éteint. Donc... Alors déjà, c'est toi qui as fait « Un » et Kix, il a juste fait le gros suiveur. Et je me suis dit, ça serait plus joli si on était trois. Oui, mais après, donc ça veut dire que t'étais tout seul après dans le fond à faire « Ah !» C'était énorme. Et après, le plus beau, c'est qu'on n'a pas l'image évidemment à la radio, mais il y a Maëva qui, genre, contente de son action, elle se remet dans le fond de son siège. Ah, ça, c'est une bonne intervention. Et elle se remet la bête dans les oreilles. Avoir une gommette verte. Je suis super fière de moi. Alors, gommette mauve, qu'est-ce qui se passe encore avec le Wi-Fi 6E ? Et donc, avec le Wi-Fi 6E, ben, t'as tous les avantages du Wi-Fi 6, puisque ça fonctionne en Wi-Fi 6, donc amélioration du débit, de la consommation énergétique aussi, ça fonctionne mieux dans les lieux à haute densité de clients, donc si t'as plein d'appareils chez toi, si genre t'as tout domotisé chez toi, ça fonctionnera mieux. Alors, actuellement, le Wi-Fi 6E, à ma connaissance, il n'y a que l'Internet Box Plus de Proximus qui est capable de le faire. Ah, mais... j'allais le demander où c'est qu'il est, le Wi-Fi 6E Alors, Plus. La Box Plus est capable de le faire, mais c'est pas encore activé. Pourquoi ? Parce que ça amène quand même son lot d'ennuis, le Wi-Fi 6E. C'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre que ce qu'on ne le croit. Plus on monte dans les fréquences, moins la portée est grande des ondes Wi-Fi. Donc, ça... Ah, il faut que ça bombarde plus alors. Il faut surtout être plus proche du routeur ou du point d'accès Wi-Fi pour pouvoir bénéficier de ce réseau. Il faut que le client Wi-Fi soit compatible. Et pour ça, il n'y a que des appareils haut de gamme à environ 1 000 € ou plus qui peuvent se connecter à ce Wi-Fi 6E. Et puis il faut le routeur, le switch, l'abonnement internet supérieur au gigabit pour pouvoir bénéficier vraiment au plus possible de ça. Oui, parce que comme on dit toujours, ça sert à rien d'acheter une télé 4K si le signal de base n'est pas 4K. Voilà, c'est à peu près le même ordre d'idée. Et puis il y a un dernier point qui est à surveiller, c'est le WPA3. C'est la nouvelle norme de sécurité pour renforcer les mots de passe Wi-Fi. Ah ouais. Et le problème, c'est que certains appareils, eh bien, ils sont totalement incompatibles avec cette nouvelle norme et ils refusent de se connecter au réseau Wi-Fi qui serait WPA3. Tout ça pour dire que c'est très récent, c'est peut-être un peu trop récent pour monsieur et madame tout le monde. C'est à surveiller, mais donc voilà, vous précipitez pas vers ça pour Noël. Attendez peut-être encore 1 ou 2 ans. Oui, puisque si tout l'équipement doit changer. Voilà, et puis on sera au Wi-Fi 7 qui est aussi en cours de préparation, mais ça sera pour une autre chronique. Waouh, je suis largué. Moi, je suis encore sur l'autoroute là. Ouais, l'autoroute, le débit. Mais alors, juste. Il faut pas que ça relance la chronique pour 20 minutes, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine dans un usage quotidien de se prendre la tête sur le Wi-Fi 6E ou c'est destiné à des personnes en particulier ? Si t'as besoin de beaucoup de débit en téléchargement ou en montant, oui. Non, mais ça s'adresse plus à des power users, comme on dit, des utilisateurs avancés. Je pense que si tu veux consulter TikTok, Facebook ou YouTube ou Netflix sur ton iPhone, tu n'as pas besoin de Wi-Fi 6E. Ou le journal, la Gazette. Oui. Voilà. Donc pour le commun des mortels, ça change pas grand chose. Non, pour le moment, ça change pas grand chose. Allez, super, merci. Et c'est quoi le genre le Wi-Fi le plus pourri qui peut ralentir toute ton installation ? Celui du studio. Non, non, du Wi-Fi B à 11 mégabits seconde. Voilà, bah, si vous avez du Wi-Fi B, il faut changer. Sinon, si vous avez au-dessus de ça... Ah, surtout, vous avez un quart de siècle de retard, oui. Voilà, mais au-dessus de ça, normalement, c'est bon. Vous pouvez garder votre Wi-Fi. N'y touche pas, ni demain, ni jamais. Merci Antoine pour ce point très précis sur le Wi-Fi 6E plus X, Z, arrobase. Promax. Ultra Studio. Fiber. Offer of Proximus Ultra. Ouais. Allez. Salut. Oh, c'est dur. Jadoul dès 20h sur KIF. Une équipe bourrée de talents. De talents visuels. Dessus-dessous, brisé, volé, glisse, cabriole. Wow. Mais comme ici c'est de la radio, c'est pas pratique. Mais enfin, c'est promis, ils vont faire de leur mieux à l'oral. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Pardon, ça me fait toujours marrer ce. Manger le micro. Ouais, j'aime bien, moi, le petit bruit cabriole, brisé, volé. Ah ouais, mais ça. Mais dites-vous que ces jingles à la con, on les a en tête après une semaine. C'est... Ouais. Vous vous rendez compte, après l'émission, moi, je sors de là, je fais oh. Et lui, il sort en chantant et en faisant son c'est petit lever de pointe de pied. Là. Ça va être sympa de vivre avec vous deux. Ah bah, ouais. Vaut mieux pas. Voilà, je peux te dire que là, il y a de l'animation tous les jours. D'ailleurs, il faut qu'on parle de quelque chose. Il est l'heure que Maëva vous envoûte. Fait lever les serpents. Donc quand je t'ai dit peu importe, quand tu m'as demandé l'ambiance hors antenne, je t'ai dit peu importe en mode vas-y, mais une ambiance, et c'est à ça que t'as pensé toi. Elle vous fera léviter. Maëva, la dresseuse de chronique. Je suis fatigué. On va faire. Mais non, arrête, c'était pas mal. Franchement, de toutes tes conneries, celle-là, c'était une de mes préférées. Allez, ça va. On y va. Pour ne pas passer pour un boomer, il faut absolument que tu nous parles de slalom. Slimane. Je sais pas lire ton écriture. Sam Altman. Elle a écrit des pas de doigts sur ma feuille. Mais non, je l'ai même mis en imprimé parce que je me suis dit, il va dire qu'il sait pas lire. Sam je te connais. Altman. Mais je te savais comme si je t'avais fait. Mais il faut écrire en Arial 20. Quoi ? Non mais laisse tomber. C'était bizarre. Fais ta chronique. Oui. Donc je sais pas vous, mais moi j'ai vu plein d'articles. Sam Altman viré, Sam Altman embauché chez Microsoft, réengagé. C'est dur à dire. Et hein. Du coup, oui, Sam Altman. Salade de fruits. Sam Altman. Et donc c'était un véritable feuilleton ces derniers jours autour de lui. Et je le voyais de partout. Et donc j'ai voulu savoir de qui il s'agissait. Alors pour ceux qui connaissent pas comme moi, c'est le cofondateur de OpenAI. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez l'entreprise d'intelligence. ChatGPT. C'est ça. Majoritairement, ils ont pas fait que ça. Donc c'est une entreprise d'intelligence artificielle. Et voilà, j'en avais parlé tout plein. Donc c'est le chatbot ChatGPT où on peut demander n'importe quoi et l'intelligence artificielle vous répond. Ok. Et ben voilà. Et ben Sam, il s'est fait virer de ça. Voilà. Oh, voilà. Bon merde. Vendredi, ça, ils ont pété un câble, ils ont dit Sam, tu dégages. Et ça a fait parler de lui une première fois, mais il a pas perdu de temps parce qu'il s'est fait réembaucher le lundi d'après chez Microsoft. Bah oui, mais en même temps, des talents comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'ils se baladent dans la nature ? Mais il faut savoir que c'est un peu bizarre cette histoire parce qu'en fait, Microsoft en 2019, et il a recommencé récemment en 2023, met des milliards d'euros dans OpenAI en disant qu'en gros, il y a un échange de partenariat privilégié avec eux. Donc, il s'est fait virer d'OpenAI qui appartient un petit peu à Microsoft pour se faire réengager par Microsoft. Alors, soit c'est une opération, ou alors c'est vraiment le hasard. Mais si c'était une filière de Microsoft, forcément, les boîtes entre elles, elles communiquent et ils savent très bien qu'il y a des têtes à aller chercher. C'est ça, c'est ce qui se dit en tout cas. Surtout que beaucoup de collègues de Sam n'étaient pas d'accord non plus et ont dit on va te suivre. Ils ont envoyé des lettres en disant si tout le monde vire vers Microsoft, on veut bien te suivre. Et en gros, laisser OpenAI comme une coquille vide. Mais du coup, ça a un petit peu énervé ceux qui restaient à OpenAI pour dire on va te réembaucher. Donc, mettez tous vos cœurs à l'aise. Sam est réembauché sur OpenAI. Voilà. C'est marrant. Tous ces articles, une vingtaine d'articles à traiter, pour au final pas grand chose, mais au moins maintenant vous pouvez vous vanter de connaître Sam Altman. Un mec qui touche à l'informatique et qui s'appelle Altman. C'était la chronique. CTRL Alt Delete de Maëva. Ouais, merci beaucoup pour quoi, cette chronique. Alt, hein? Alt Delete. Quoi ? Fait quoi c'était RL Alt Delete ? Bah tente-le sur ton ordi, on va rigoler. Non, ça va tout supprimer. Mais non, c'était RL Alt Delete. Tout le monde connaît ça, non ? Ah ! Mais elle va découvrir en direct le contrôle Alt Delete. Mais ça fait quoi? Attends, vas-y, vas-y, appuie, CTRL Alt Delete, vas-y. Mais je l'ai fait. Ouais, c'est fait. Non, mais oui. Bah non. Mais arrête. Alors, ça met un écran tout bleu et ça met verrouillé, changer d'utilisateur, se déconnecter ou gestionnaire des tâches. Je fais quoi, moi? Bah, tu fais le nécessaire. Enfin. J'ai annulé, j'ai annulé. Ah, c'est la commande que tu fais quand t'as un programme qui est planté. Ouais, bah, d'ailleurs, bah... refais-le, là. Ah bah non, bah, allez, rallume-le, rallume-le. Il démarre vite ton PC. Ouais, je l'ai boosté un peu comme moi. Jadoul, dès 20h sur Gaïef. Si son poing a cassé l'écran tactile du studio, ce n'est pas un excès de colère. C'est la faute de l'écran qui s'est trop vite approché de lui, sans jouer le son que Jadoul tentait de diffuser. Jadoul, dès 20h sur Gaïef. Tout à fait, notre invité. C'est la fête de trop. Moi, je l'ai fait, des fêtes, et ça jusqu'au fiasco. Edith Preto avec son dernier titre. Un peu de love et de tendresse. Finalement, c'est ce qu'il nous reste. Que de l'amour, que de beaux gestes pour essuyer le temps qui blesse. Un peu de love et de tendresse. Allez, ça monte, là, il faut que ça démarre. Le refrain arrive juste après ça. Allez, tout le monde les mains en l'air. Pour attraper le temps qui presse. Voilà. Là, c'est le refrain. T'as raison, tu l'avais mis. On y va. Bon, c'est Edith Preto, alors, qui est avec nous. Et c'est l'interview brute. Oui, c'est simple, on prend le média brut. On garde uniquement les réponses de l'intervenant. Mais nous, on fait des questions plus drôles. Monsieur Brut, ça vous grandit. Allez, on va démarrer cette interview. C'est parti, Eddie, tu es là? Attends, il est où? De qui on parle là, hein? Ah, il est là. Ah, Antoine, tu connais Antoine? Voilà, je trouve que c'est un génie de notre époque contemporaine. Et après, quand j'ai découvert aussi sa lettre pour faire son coming out, ça a été encore plus quelqu'un qui a compté pour moi. Ah bah, on en apprend des choses ici. D'accord, tu nous as pas tout dit, Antoine. Bah écoute, j'en apprends aussi. Pas grave. Il y a une intimité extrême. Ah oui, quand même. Il est complètement dans ta vie privée, là. Hein. Et il est comment, en vrai, Antoine, en dehors de la radio? Trop brutal. Ah, bah merci, Eddy, pour ces infos. Si tout le monde est prêt, alors on peut commencer. C'est génial. On y va, on fait la première question. Antoine, justement, maintenant qu'on sait tout sur toi. Le télétexte. Oh non. Non. Faut absolument que ça s'arrête. Aïe, aïe, aïe. T'as fait le relancer. Mais là, ça va. On lui a bloqué les mains. Ouais, on m'a ligoté là parce que j'étais. Trop brutal. Avec mes sons. Oui. Maëva? J'ai fait la même. La musique du télétexte. Faut absolument que ça s'arrête. Voilà. Je crois qu'on a un message à te faire passer, Jadoul. Les gens qui mangent avec la bouche ouverte. Faut absolument que ça s'arrête. Allez, attention. Je remets de gros bisous à ma maman. Ça, c'est pour Maëva. Et on continue. Et bon après-midi, bonne émission. Merci à vous deux. Et ça, c'était pour Antoine. Alors, Kix, il aurait pu être solidaire, quoi. Mais non, vous pas... Et je rajoute même un petit coup pour Maëva parce qu'elle n'est pas gentille avec moi. Voilà, mais il a pas le droit de faire ça, lui. Oh, bien sûr que si. Et c'est le seul qui était drôle. Et je me suis pas encore vidé. Il y a encore de la batterie. De toute façon, c'est le chouchou, il a un écran, donc forcément. Oh la vache, cette rivalité. Fais pas le malin avec ton écran parce que je vais vite le couper. Ah mince. Question 2, Antoine. Le plan de fréquence FM de la communauté française. Je vais saigner comme jamais. On va se parler après l'émission, Antoine. À chaque fois que je passe après Antoine, je me dis waouh. Waouh. Le McDo d'hier soir. Je l'ai saigné comme jamais. Oh ouais. Oh. Un énorme McDo. Ouais. Avec plein de poussins. Oh ouais. Allez, Kix. L'album de Renaud. Énormément de saigné comme jamais. Ouh là là. Ah, il est là. Oui, le son est là. Pardon, j'avais pas vu. Je l'ai saigné comme jamais. L'album de Renaud. Ouais. C'est même pas drôle. Vraiment? Ah, si vous voulez, j'en avais un autre. Elle est un peu longue. La phrase que tu aimerais qu'un cuisinier te dise quand tu commandes un vrai steak saignant. Je l'ai saigné comme jamais. Bah voilà, ça n'existera jamais d'ailleurs. Oui, mais ça c'est quand même plus marrant, non? Tu trouves pas? Si. Bon, allez. Bah, je me suis dit, on restait sur la nourriture, alors peut-être pas. Je vais donner mes coups. Antoine, il est exonéré parce que. Il aura une. On fera pas ce qu'on délige. Il aura une plus grosse mise au point plus tard. Ah, mais non, on peut pas faire. Mais comme Kix a choisi la mauvaise. dans les deux qu'il avait, et sa plus drôle, il l'a pas faite en première. Hop là, un petit coup de pelle, tu t'es fait brutaliser. On se fait la dernière question de l'interview brute, Antoine. J'embraye un peu sur Kix, ton hamburger, tu le préfères comment? Énormément de couches. Oui, oui. Là, ça touche à la bouffe, tu mets tout le monde d'accord. Tu te rattrapes bien, Antoine. La solution pour sortir dehors en hiver? Énormément de couches. Oui. Mais... non, de couches, pas de couches pour faire pipi. Ah, pardon, ok, oui, oui, moi j'étais sur autre chose. De couches, un pull, un gilet et un manteau pour pas avoir froid. Cela dit, moi, j'en ai une. Je reviens du home et je peux dire qu'il y avait... énormément de couches. Tu seras viril, mon kid, loin de toi, ces finesses tactiques de ces femmes d'origine qui féminisent gros guise. Bravo. Sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu... bah, c'était pas mal, bravo. Franchement, vous vous êtes pas trop mal démerdé là pour cette. C'est génial. Ouais, ça va, Eddie. Tu peux te taire. D'ici quelques minutes, on va avoir, attention dans cette émission, la séquence OK Boomer, Black Friday. Yeah. Yeah. Yeah. Je suis un peu bilingue. Et on va avoir le FaceTime de Kix. On va jouer cette semaine encore. Ah bah bien sûr. Et ça va être bien au moins. Ah bah j'espère pour vous que vous allez gagner. Ça, c'est magnifique. On verra ça dans quelques minutes. Bah il suffit de pas débrancher la radio. Jadoul, dès 20h sur Gaïef. La trappe, tous les mercredis dès 20h avec Jadoul, sur KIF. Il faut qu'on fasse un petit point avec Antoine. Oula. Pourquoi est-ce que systématiquement, dans l'interview brutale, ce sont des paroles engagées, radicales, envers le plan de fréquence, les ondes, Proximus, le gouvernement? Non, mais... l'État! Il se trouve... le palais de justice! Puis-je en placer une? Oui, vas-y, vas-y. Non, mais il se trouve que... bon, si ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup la télé, la radio, les technologies de diffusion, et c'est vrai que dans les endroits où je vais régulièrement, c'est vrai que je connais assez bien les fréquences FM dans ces endroits-là. Oui, eh bien... non, c'est vrai. Ok, d'accord. J'espère que les adeptes de l'échafaudage du palais de justice, du plan de fréquence, t'auront entendu et seront avec toi dans ta lutte qui passe à travers notre séquence qui s'appelle l'interview brutale. Merci Antoine. Avec plaisir. De tenir quand même le flambeau de tous ces combats. Maëva est là pour le OK Boomer Black Friday. Yeah. Yes. De quoi on parle cette semaine, Maëva? Bah, du Black Friday. Ah bon? Et pourquoi est-ce qu'on en parle enfin? Oui, on va se plonger dans le tourbillon du shopping frénétique, le Black Friday. Les blés. Black Friday 2023. Oh là là! Oui, non, j'allais dire les. Mais non, mais parce que justement, j'y viens. C'est que. J'ai l'impression que tous les mots là, dans ta bouche, ils ont fait. Mais oui! Mais normalement, c'est le Black Friday, parce que c'est le jeudi noir, mais on peut dire les Black Friday. Enfin, j'ai tendance à dire les Black Friday, parce que justement, c'est ce que j'allais expliquer, c'est que ça ne dure plus qu'un jour. Ça commence le lundi. C'est comme les soldes. Oui, oui, voilà. C'est ça. En gros, ça devient un peu comme ça. Donc, en gros, c'est le moment de l'année, où, pour les boomers, hein, je précise, où les consommateurs peuvent, paraît-il, s'attendre à des réductions hallucinantes, des promotions à couper le souffle. Et, excusez-moi. Ah oui, à couper le souffle, merci. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Mais ça vient des États-Unis. Le Black Friday, c'est le lendemain de la fête de Thanksgiving qui aura lieu demain. Ah oui, c'est la fête des tanks. Donc ça veut dire que pour tous les soldats. Non, c'est Thanks. C'est le moment où on dit merci. Ah oui. Voilà, on fait un repas. Et puis il y a les dindons. Merci pour tout ce qu'on a autour de nous. Et donc le lendemain, on a ce qu'ils appellent le jeudi noir. Et donc les commerces sont pleins d'offres. Et c'est l'occasion de faire des affaires avant pour les cadeaux de fin d'année. Sauf que cette habitude, c'est entendu, c'est venu jusqu'ici. Et c'est ce vendredi. Et comme je le disais au début, en fait, ce n'est plus que le jeudi, ça commence dès lundi dernier, lundi qui vient d'arriver. Okay. Et maintenant, ça s'étend jusque le 23 novembre, donc le lundi suivant, qui s'appelle le Cyber Monday. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Oui et non. Oui et non, dans le sens où c'est comme les soldes, exactement comme tu l'as dit, il faut bien faire attention. Donc voilà quelques petits conseils pour le Black Friday. Il faut prendre le temps, même si parfois on vous donne, c'est un peu comme les achats en ligne, hein. Même si on vous dit que l'offre elle est là pendant une heure, mais on prend quand même le temps de comparer, regarder un peu. Comme pour les soldes, pardon, souvent il y a la tendance à gonfler les prix. Il y a pour après... d'arnaque, hein, bah, oui. Pour après dire moins 60%, mais moins 50% d'un prix gonflé, bah, c'est pas si ouf. Alors ça. Je pense que c'est illégal et Test Achat dénonce ça. Hein. Ah bah c'est illégal, mais faut-il encore le savoir? Ouais, bah, il y a plein de petits filous là. Et, l'air de rien, on en parlait du cabinet de Maëva il y a quelques temps. Elle avait des prix sur sa vitrine. Elle les a gonflés il y a une semaine. Pour cette semaine, ouais, Black Friday, vas-y. C'est scandaleux. Pourquoi tu montes tes tarifs avant de les baisser? Pour ne pas changer ta marge. Et c'est là qu'on te reconnaît bien. Ah, la vicieuse. Faut démentir ça tout de suite, Jadoul, dépêche-toi. Non, oui, pardon, c'est pas vrai. Ah, merci. Maëva ne tient pas un cabinet de massage, mais comme on le disait, une maison close. Non, il faut démentir ça aussi. Ça aussi. D'accord. Je démentis. Merci. Alors aussi, ce qu'il faut faire, c'est comparer, regarder un peu partout, parce que c'est souvent le même type de produit, principalement les produits tech. Antoine, je ne sais pas si tu as prévu de te lâcher sur le Black Friday. Oh non, pas ici. Le studio est très petit. Et c'est propre. En plus. Et pourtant, oui. Tu vois, là, ici, là. Un seul élément, j'ai dans les mains ici un stylet pour ma tablette. Et je l'ai eu à 85 euros au lieu de 150. Ah, wow. Ah ouais. Et tu es sur quel site? Alibaba. Ça commence par Ama, ça finit par Zone. Ah ouais. Ouais. Ouais, bah justement, j'allais dire que c'était les kings de ça. Alors, j'ai une question. Est-ce que pour acheter ce pencil d'Apple, l'Apple Pencil, oui. Est-ce que tu t'es dit... Alors, je compare, je tâte. Oui, j'ai comparé entre les différents Amazon. Ah, c'est un de mes tips. Ah bah voilà, Maëva, donne-nous des tips, vas-y, lâche-nous en plein. Parce qu'il y a des offres Amazon, il y a plusieurs Amazon, il y a Amazon Belgique, mais il y a aussi Amazon France, Amazon Espagne, etc. Ouais. Moi, j'ai commandé une caméra super chère pour la prod, parce que notre livreur n'amenait pas la caméra, et donc à un moment, on s'est dit, bon, on va la commander sur Amazon nous-mêmes, hein, comme des grands, on va pas passer par le fournisseur. Super chère en France, quasi donnée en Allemagne. Et j'ai commandé sur... Exactement. C'est pas parce que c'est pas Amazon Belgique qu'on ne peut pas commander. Et souvent, comme toujours sur Amazon, les frais de port sont gratuits. Quand même faire attention. Et aussi, pour si vous commandez sur des sites aux États-Unis où il y a aussi des offres vraiment intéressantes, pensez à vérifier les frais, pas de port, mais de douane. Ouais. Parce que vous pouvez vraiment vous faire choper à la douane. Et donc, il faut bien faire attention. Voilà. Et d'accord. Et la prise de courant. Ah oui, oui. Alors ça, c'est... Je vais vous raconter un truc. Pour ce studio, on a commandé 4 modules. Et 4 modules avec une prise anglaise. Et on a dû changer toutes les alimes. C'était un mais enfer. Quand ils voient où ça arrive, pourquoi ils ne mettent pas directement la bonne prise? Mais parce qu'ils ont des stocks, ils les écoulent, ils ne regardent pas, ils expédient. Et puis voilà. Oh, allez, on rappelle ce que ça veut dire le Black Friday. Ça signifie pour les boomers... Jeudi noir. Jeudi non. Non, jeudi noir. Ah pardon. On était presque. Ouais. Jeudi non. Non, attention monsieur, on refait... 3, 4, jeudi noir. Voilà, merci. On est quand même beaucoup mieux comme ça. D'ici quelques minutes, on va avoir... Oh, mais oui, le FaceTime de Kix qui n'aura jamais démarré aussi tard. Aussi tard, ouais. On va jouer avec les personnalités connues ou inconnues, du moins. On va essayer de trouver des stars avec des sons pour nous semer. Mais au final, en s'affrontant, il y aura un vainqueur. Et ça va être très sympa. C'est Jadoul sur KIF. Le personnel médical qui encadre les gens de cette émission vous informe que l'état des patients n'a pas évolué. Hey, les médecins démissionnent. Non, non, on veut pas. Ces fous sont libérés 2 heures pour l'antenne. Ce n'est pas acceptable. Dès 20h, Jadoul et son équipe dans La Trappe. Ouais, enfin d'abord... Merci. Quoi? C'est pour moi? C'était mon nom? Oui. Mais oui, je me suis trompée, c'est pas jeudi noir, c'est vendredi noir. Voilà, c'est doux. Ça veut dire Black Friday. Non, mais c'est Black Friday, vendredi noir, jeudi, c'est Thanksgiving. Mais en fait, ce qui m'ennuie, c'est que c'est ces deux-là qui m'ont fait remarquer. Sauf qu'ils l'ont remarqué pendant la séquence. Et à aucun moment, ils se sont dit, Maëva, excuse-moi, je pense que c'est vendredi noir. Ils m'ont laissé le répéter 3 fois. Bah, ils ont trop peur. Par contre, quand c'est pour me couper pour dire une connerie, là, il n'y a pas de souci. Termine ton verre. Jeune, pose ton verre. Non, mais c'était mon petit coup de gueule. Je me suis trompée, je suis désolée. Attends, tu fais un coup de gueule contre toi-même? Oui, bah oui. Et un peu contre nous, j'ai l'impression. Oui, aussi contre eux deux. J'adore. À tout moment, on va se prendre une gifle. Bah, je trouve ça génial. J'adore ton concept. Allez, on y va. On file la parole à Kix. Tu veux quand même bien, Maëva? Ouais. Moins. En tout cas, s'il se trompe, je dirais pas, je laisserai l'air avoir l'air bête devant tout le monde. Bon, ça, il a l'habitude. Merci, hein. C'est vrai. C'est l'heure du festival. Vous allez jouer en trois manches. Kix va vous faire deviner des stars avec l'aide de trois indices sonores pour chacune de ses personnalités. Dans ceux-ci, ça peut être un bruitage, un extrait d'interview, ça peut paraître bizarre. Une musique, en clair ou en distordu. Soyez vigilants. Durant une même manche, ces trois sons peuvent former un rébus ou alors être tout à fait explicites. Réfléchissez à voix haute, mais si vous pensez avoir la réponse, appuyez sur votre buzzer. Bonne partie. Ouais. Et que le meilleur gagne. C'est l'heure du festime, à table festin. Est-ce que vous êtes prêt pour la première personnalité? Oui. Est-ce que vous avez votre buzzer d'ailleurs? Alors vas-y, Maëva. Oui, Antoine. Antoine. Et Jadoul. Ah, pas mal. Maëva. On l'a toujours pas réparé. Oh là là. Mais quelle équipe, quelle équipe. C'est fou. Mais justement, comme ça t'empêchera de. Ouais. Bon, allez. Où est mon buzzer? Jadoul. De tricher. Tout le monde est OK? Voilà, ouais. Alors, c'est parti. Première personnalité, premier indice. Jouez avec nous dans la voiture. Ça semble un poil trop évident, là. Ouais. Ah, un poil. Un poil. Une idée, pas d'idée. Est-ce que vous voulez qu'on passe directement au deuxième? À avoir une idée, là. Non, c'est vrai. Allez, vas-y, deuxième indice. Deuxième indice. You're beautiful. Alors attends. Stromae, l'amour est dans le pré. James Blunt. Pas l'amour est dans le pré, James Blunt. Oh, tu peux dire ce que tu veux, tu buzzes pas pour l'instant. Ouais, moi je ne dirais rien. Parle toujours, toi. C'est la musique de l'amour est dans le pré? C'était. Ouais. Ok. Il a pas aimé, alors il a dit arrêtez, changez-moi cette musique. Ah, non, c'est la musique. Toujours. Non, ils l'ont changé. Non, c'est plus celle-là. J'ai un doute, hein. Non, enfin bref, faut c'était l'ancienne. Oui, non, on n'a pas. Du coup, personne ne l'a. Quelqu'un vérifie l'info du générique. Ouais. Là, pour moi, c'est. Enfin bref. Bon, vas-y, troisième indice. Troisième indice, attention. Il veut pas se lancer. S'il se lance. Oh, c'est génial! Deux Sandrines pour le prix d'une. Mais on n'a jamais joué ensemble en plus. Oh, j'ai hâte. Trop bien. On a hâte de vous retrouver. Oui, on va commencer à répéter. Et quand se termine le. Ça, c'était pas le buzzer, ça. Bon, qui? Non, mais ça va. Ouais, j'ai une galère de buzzer. Bah, j'ai levé la main avant, mais quand il fait les comme ça, quand il écoute les. Enfin, il est comme ça. Il regarde. Moi, pas. J'ai vu ta main derrière, moi. Allez, vas-y, parce que. Bon, moi, qui mais moi, j'allais me tromper, c'est l'une ou l'autre, mais c'est Sandrine Carman. C'est la mauvaise réponse. Mais non, mais lui, il danse, putain. Antoine. Mais Sandrine danse, lui. Bah oui, c'est une bonne réponse, ça fait un point pour Antoine. Bah oui, alors on danse de Stromae, danse. Ah putain, ouais, la musique l'amour est dans le pré. Mais non, moi, voilà. Moi j'allais dire Karine Le Marchand. Ouais, bah j'étais sur la version française. Ah, mais ouais. C'est qui le générique maintenant? C'est plus. Il y en a eu un nouveau le 13 avril 2020, mais il faut cliquer pour savoir ce que c'est. Ah bah cliquons. Donc on va écouter ça tous ensemble. Oublie pas les biscuits là. Je propose. Les cookies, même les biscuits. Ah d'accord. Tony Surround. Deuxième personnalité, premier indice. On y va, vas-y. Tant que vous n'avez pas acquis ça, madame, vous n'allez pas y arriver. Je vois que Jadoul est prêt, Oui. Je dirais Cathy Sarai. Donc, bah Super Nanny. Voilà, c'est une bonne réponse déjà. Oui, il connaît le vrai nom de Super Nanny. Ah bah elle est connue. Ancienne. Depuis 20 ans, Cathy exerce son métier de nounou. Voilà, ils le disent carrément dans le générique et puis. Bon, donc ça fait. Un pour Jadoul, un pour Antoine. Est-ce que Maëva va récupérer un point maintenant ou pas? Ou est-ce que un de vous deux allait gagner? J'ai un petit commentaire avant tout ça. Oui. C'est que le but. Est-ce que s'il vous plaît, Maëva, on fait une expérience à la radio et on va te prouver qu'il y a un petit problème. Retire ton casque un tout petit peu et mets-le devant toi. Devant toi. Oui. Devant le micro, même. Il va très fort. Hein. Vas-y. Vas-y. Devant le micro. Allez, devant. Voilà. Voilà. Il va trop fort ton casque. Bah, j'espère que la production va m'en acheter un nouveau, tiens. Si c'est pour mieux vous entendre, mais. Mais Maëva. Non mais. Baisse le son. Mais Maëva. Oh, on se croirait chez le dentiste avec la. Ça a jamais fait ce bruit-là, arrête. Bah si. Bon, d'accord. Allez, troisième personnalité. Non. Parce que le générique de l'amour est dans le play. C'est Michael Bublé maintenant. Oui, c'est ça, voilà. D'accord. Voilà. Merci. Faut que je réécoute alors. Je ferai ça plus tard. Mais ok, très bien. Troisième personnalité, premier indice. Vas-y. Ça doit être être quand même quelque chose de, d'agréable de se dire qu'on laisse une véritable trace dans la chanson française. Ben, c'est plus agréable, je ne sais pas si ça fait longtemps, mais c'est vrai que les gens, celles-là, ont bien vécu. C'est Claude. Alors... C'est Claude. C'est qui? Bah, je veux pas le dire. Ah oui, c'est vrai, c'est le jeu. bon. Est-ce que vous voulez qu'on passe directement au deuxième? On a plus le temps, on est méga là. Allez, deuxième indice. Vas-y. Michel, c'est Michel, quoi. Michel, je l'aime. Parce que il est fidèle à lui-même. Voilà, c'est un pêcheur, le mec, il est là. Ah. Bon. Ils ont dit des trucs dedans. Bah, Michel. Michel, il y a plein de Michel, sais-tu. Ah oui, mais ça, après, il faut être fut-fut, il faut écouter du début à la fin. Hein. Oui. Antoine. Michel Elbech. Bah oui, c'est une bonne réponse. C'était tout simple. Michel, c'est Michel. Michel. Michel, je l'aime. Parce que il est fidèle à lui-même. Voilà, c'est un pêcheur, le mec, il est là. Voilà. Allez, mets-nous une musique de Michel Delpech. Je flirte avec toi, je ferai n'importe quoi. Eh bien, qui remporte ce jeu? Ah bah, c'est Antoine. Belle victoire. Tout. J'ai tout oublié. Pardon. Ah, ici? Hein? Ici? Ouais, c'est ça, exactement. Tu dis où? Ah oui, bah, où, ici. Ouais, c'est ça. Allez, dans quelques minutes, on va avoir dans cette émission les inflops, le grand retour. C'est notre deuxième heure qui démarre. On est plus motivés que jamais. On a plein de surprises pour vous. Il y aura le Fallait nous le dire plutôt de Maëva. Le bar de Jean-Michel va ouvrir ses portes. Et Brittany, notre influenceuse de talent. Et de retour avec ses petites aventures. Mais viens, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Brittany? On le découvrira d'ici quelques minutes. Dès 20h, c'est la trappe. Dès 20h, c'est la trappe. C'est Jadoul sur KF. Tout à fait, c'est moi Jadoul pour vous servir. Nouvelle émission, aujourd'hui on est le 22 novembre. Déjà ? Mais ça veut dire que là, pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante, on commence toutes nos spéciales Noël. Oui. Les spéciales fêtes. On va moi, sur la cloche des paillettes et tout. C'est pas déjà la semaine prochaine ? Non, parce que je crois qu'on est encore en novembre la semaine prochaine. Oui, et alors ? Oui. Oui, bah non. On fait que le mois de décembre. On dirait ma mère qui veut pas que je mette les décos de Noël. Alors, il faut attendre Saint-Nicolas. Je vais déjà vous annoncer une grande surprise, une grande bonne nouvelle. Un teasing, oui. On a une émission de plus en décembre. Et pas des moindres. D'accord. Et pas des moindres, parce que ce ne sera exceptionnellement pas un mercredi. On vous prépare un énorme truc avec KIF. Vous allez voir, ce sera une émission spéciale. Très féerique et très fête. On va bien se marrer, on va passer un bon moment. Et ce sera non pas une, ni deux, ni trois, mais quatre heures qu'on va passer ensemble. Je ne vous en dis pas plus. C'est une émission spéciale qu'on est en train de préparer. Et tant qu'il n'y a rien de confirmé, on ne vous en dit pas plus. Mais ça se prépare, c'est dans les tuyaux. Et croyez-moi, là, vous allez en bouffer la fête. Et voilà, des confettis. Ça va être très bien. Ouais, très bien. On verra, on n'y est pas encore. Hein. Et d'ailleurs, mention spéciale pour Maëva et le lancement de la deuxième heure, hein, qui était vraiment... De mieux en mieux. Hein. C'est toi qui me le demande. Ça, durant 4 heures la prochaine fois, ça va être beau. Hein. Oui, elle fera intégralement l'émission comme ça. C'est aussi une émission par exemple, comme ça. Ouais, là, elle se met dans le personnage. Ce sera 4 heures comme ça. Ah, bah elle va nous ramener des auditeurs, hein, c'est, bah, ouais, c'est sûr. Hein. Maëva ? Oui. Alors ? Qu'avons-nous comme cadeau cette semaine ? Il y a quoi dans le barbecue cette semaine ? Dans le barbecue ? Ouais. Tu nous fais pas à manger ? Des saucisses ? Un pain saucisse. Un pain saucisse ? Et tes merguez. Et je sais plus quoi dire. Mais non, si en elle fait, rigole. Le problème, c'est que cette voix ne colle tellement pas à ma personnalité que mais c'est si. Assez... Ouais, elle fait de la batteuse. Elle est batteuse comme toi. J'ai elle pas... est batteuse. On colle des étiquettes, on écrit Bosch comme les chaudières sur toi. On fait brûler chauffage central de Reyers. Non, ça va, on rigole, évidemment. Mais elle est loin de tout ça. Mon Dieu. Ah, purée. Allez. On t'embrasse, Wisman. quelqu'un a une autre marque de chaudière parce qu'on va toutes les faire. Hein. Bulex. Merci Bulex. Oh, c'est beau Bulex. Bulex. Bulex. Un petit jingle, c'est mignon, non Bulex. Madame Bulex. Madame Bulex, elle te fera monter le. Allez, on y va, voici les enveloppes. Les infos qu'il fallait louper ces 7 derniers jours. On va aller vers le commissaire. Eh ben, c'est du propre. Sans transition. On l'a noté le jingle. Hein. On l'a noté le jingle. Bah, il faut qu'on le produise. Hein. Ah oui, c'est vrai. Bulex va te monter le. Ouais. Allez, on y va. J'ai pas tout capté. Le commissaire de. Bon, très vite, tiens. Le commissaire de police de Cambrai, dans le nord de la France, a organisé des contrôles de vitesse en ville pour récompenser les conducteurs respectueux du code de la route. C'est bien, c'est une bonne initiative. Mais ça a été inhabituel. Bah oui, parce que cette opération similaire a eu lieu la semaine d'avant, déclenchée par un accident mortel. Voilà, c'est bien triste, ça. Et bien que seulement 3 conducteurs aient été sanctionnés, 2 pour excès de vitesse et 1 pour défaut d'assurance et de contrôle technique, les 32 autres automobilistes interceptés ont été félicités pour leur conduite respectueuse des règles d'utilisation. Je crois que quelqu'un va se faire virer. Poursuis, hein. Bah, excusez-moi, j'ai une question. Quelqu'un m'arrête, hein. Mais si je lui sors un... En vrai, Kix, non, décale-toi un tout petit peu, décale-toi. Hop là, dans la trappe. Qu'est-ce qu'il y a ? La chute, c'était le policier. Vas-y, bah, fais-la avec voilà. Le son entier, vas-y. Donc en fait, le policier arrête des gens pour leur bonne conduite, justement, au lieu de ah oui, de, pour leur mauvaise conduite. C'est peut-être un texte un petit peu long pour dire ça. Voilà. Et l'accident mortel, c'était peut-être pas dans le. Ouais, mais je veux pas couper des infos non plus pour le plaisir. Oui, nous sommes les champions de la fréquence. On nous connaît, nous sommes tous amis. Allez, vas-y, fais-nous la chute pour que. Excuse-moi, mais si quelqu'un m'a. Bah, mais non, en fait, c'est vrai que c'est même pas français. Oui. Bah, oui, merci, Kix. Il y a eu une petite pétouille dans le texte. Cette remise en question en direct, quoi. Ah, c'est énorme. Kix en direct se rend compte qu'il a pas lu ce qu'il écrit, en fait. C'est génial. Oh, est-ce que je m'engage sur la deuxième mais ou pas? C'était français quand je l'ai fait, en plus, c'est ça le problème. C'est là où je me pose vraiment des problèmes, des questions. La langue française, ça évolue d'heure en heure. Waouh. Ton ordinateur a décidé de changer de langue en plein milieu. Je pense et que... Et les autres, alors ça donne quoi? Voilà, c'est vrai qu'on va écouter les autres, hein, et on va voir si Kix va falloir meubler ou pas. Quoi. Oui, parce que là, je pense qu'on est vraiment sur une dyslexie ou un problème de concentration. Tu peux commencer par 1 pour le prochain. Ah, ça me fait peur. Waouh, attendez, un petit intermède musical, là, il faut que je m'en remette un petit peu. Intermède. Lors du match entre la Belgique et l'Azerbaïdjan, l'avant-match a été marqué par une situation rare et gênante. L'hymne suédois a été diffusé au lieu de celui de l'Azerbaïdjan. Les joueurs azerbaïdjanais étaient perplexes, mais après l'intervention du capitaine adverse, Roméo Lukaku, a expliqué la situation au délégué de l'UEFA. L'erreur a été attribuée sur un problème technique où le responsable de la sono a joué la mauvaise piste, comme Kix à son écran tactile, créant ainsi un moment de confusion avant que l'hymne correct ne soit enfin finalement diffusé. On est d'accord, ça peut arriver, même moi ici, hein, je m'y retrouve pas, alors imaginez... Imaginez la tête de tous ces joueurs qui ont dû se dire. Ouais, là ça va. Ça va. Allez, on fait la dernière info. Si celle-là là, va pas. Il faut que tu commences par 1. Je roule les feuilles et je te les mets dans le cul. Allez. Oh, petit don. Pardon, oui, mais je suis un peu cru, mais attends. Cette chanson. Oh. Troisième info, le golfeur n'est. Quoi ? C'est quoi un? Mais j'ai mis le, mais un golfeur. Oh, le golfeur, vas-y. Alors, Kix, pour info, quand tu modifies le document sur ton écran, moi j'ai un papier. Bah oui, mais oui, c'est pas modifié, c'est je viens de le faire en direct. Ah, commence par 1, ça veut dire remplace les mots que j'ai écrits dans le texte. C'est ça. D'accord, ok. Vous assistez à la dernière de Kix à l'entraînement. Un golfeur néerlandais qui s'appelle. Jos Luiten. A vécu une journée difficile, pas aussi difficile que moi, lors d'un tournoi à Dubaï, marqué par la frustration, mécontent de sa performance, il a exprimé sa colère en lançant son club dans un arbre où il est resté coincé en haut d'une branche, malgré des efforts et l'usage de son caddie pour récupérer le club dans l'arbre et l'utilisation de d'autres équipements, les tentatives ont échoué. En fin de compte, cette situation a conduit à une importante colère. La perte de trois clubs est une performance décevante. T'as compris quelque chose, Maëva? Bof. Bof. Hein. Je crois qu'on les a perdus. Hein. Maintenant, à Dubaï. Je pense que les enveloppes. Ah bah, dites donc. Les enveloppes peuvent passer dans les enveloppes. Oui. Les enveloppes vont passer à la trappe. Hein. Oh mon Dieu. Ah, je vais quand même dire la chute. Hein. Ah oui. Maintenant, à Dubaï. Le nom de Joss Luiten est associé à... Et le nom de Kix est désormais associé à... Kix ? Oui. Dans mon bureau ? Ah mais c'était une belle chute. Waouh. T'as osé me rendre ça, toi ? Oui. Il faut se relire, je te promets. Il faut je serai plus court. Tout petit... Oui, déjà un peu ou alors il faut relire l'info tout simplement, monsieur Jadoul, avant. Hein. Oui. Pas que de ma faute. Oula! Mais sinon, la semaine dernière, j'en avais laissé des en rame, elles étaient mieux. Voilà. Oui, on fait une tournante, hein, vous l'avez compris dans l'équipe, non, au niveau non. De la préparation. Ah, oui. Ouais. Oui, oui. Oui, oui, oui, oui, oui. Bon, hein, merci. C'est vrai que les inflops, c'est souvent. Est-ce qu'après 8 minutes d'un flop qui oui, font vraiment un énorme flop, est-ce qu'on peut pas se dire, on revient dans 3 minutes? Oui, si, c'est mieux. Dès 20h, c'est la trappe. Ah. Écoutez ma belle voix, du Havre. Et envoûtante. Profitez-en. Parce que. Jadoul est de retour. Et croyez-moi, lui, c'est tout l'inverse. Waouh! Dès 20h, c'est la trappe. Jadoul, dans mon bureau. Ah non, je peux pas le dire, moi. Bah non, en fait. Ah mince. Oh là là. qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, ben non, enfin oh, ça faisait longtemps, tiens oui. Merci Jean-Marie, on se calme. On va avoir d'ici quelques minutes le fallait nous lire plus tôt. Maëva, qu'est-ce qu'il fallait nous dire plus tôt? Mais c'est pourquoi maintenant on met... Bah, c'est bien. Parce que je... Non mais c'était marrant, franchement je trouve qu'elle est... Enfin marrante, voilà, c'est spécial comme un flop. Comme fallait dire. Merci, ça c'était une balle perdue pour moi. C'est pourquoi on met la main devant la bouche quand on baille. Ça vient d'où cette histoire? Donc genre, là maintenant je baille. Oui, oui mais t'as mis ta main devant ta bouche. Tout à fait. Pourquoi? Quelle bonne question. Ah ben voilà. Bah oui. Pourquoi est-ce qu'on met là? Bah pour pas qu'on voit en fait nos caries. Vas-y, quand tu parles, ouvre ta bouche, vois ta bouche. Quand tu rigoles, tu mets pas ta main devant ta bouche. Et quand tu pètes, tu mets pas ta main au cul, hein. Est-ce que c'est pour retenir ses dents? Ses dents? Pourquoi? On n'a pas de problème dents de dents, menacent. Oui. Va chez le dentiste. Oh. Tu vois? Quelle horreur! Quoi? Va chez ça vous choque, mon dentier? Bon, je l'en mets, hein. Oh. Ah. Bon, ce n'était pas ça. Si non. Vous avez une idée à la maison, n'hésitez pas. Vous pouvez me souffler la réponse hein, sur mon Instagram, Jajadoul. Je lis tous vos messages en direct. En parlant direct. Bah oui, forcément. On va retrouver Radio Falminioul, mais comme cette semaine ils sont en vacances, ils nous ont laissé une publicité pour une sympa, compilation. Ouais, ils ont encore fait un CD. Est-ce que vous allez l'acheter? Est-ce que ça va vous donner envie en tout cas de l'écouter? On ne sait pas. En tout cas, ils nous en ont fait une petite publicité. Retrouvez la programmation musicale de Radio Falminioul. Chanson polonaise. Désormais sur une compile. Un véritable régal auditif. Découvrez sur le triple CD. As the music. Mega Dance. Nie wiesz co, nie wiesz kto zaczął to, ale jedno już wiesz na pewno. Mega Groove. Jawa jak sen, jak baś. Sensacjonel. Czarodziejska nic. To. Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy. To są dziwne kłasy. Chociaż to zdarzenie przeżył każdy z nas. Number one. Najtrudniejszy pierwszy. 15 euros seulement pour une ambiance garantie. Disponible dès maintenant chez votre disquaire ou en vente par correspondance. Rue du cimetière numéro 7, 5500, Falmignoul. Ah oui, quand même. C'est sympa le folklore là-bas en Pologne. Est-ce que quelqu'un parle une langue étrangère peut-être ? Pas du tout, j'essaie déjà de parler français, c'est déjà très très bien. Moi ça me fascine, ces langues comme le russe, le polonais avec des schmoches. Oui, c'est vrai que c'est totalement différent. Ah, les consonnes, ils ont pas déjà les mêmes lettres que nous. Ouais. Hein, en Pologne, ils ont des espèces de Z avec des points où et des. Tu sais pas. Et des L barrés. Des L barrés. Mais qui... Des L barrés. L barrés. L barrés, c'est des L barrés. C'est les L barrés de la Pologne. Rien à voir. Il y a bien les Allemands avec les B. Là, les B barrés. Ça porte un nom, ces B. S7. S7. Bah oui. F7. F7. F12. F7-8. Il faut des raccourcis clavier ici, j'ai rien compris. Moi. La conversation de bistrot ici. En parlant de ça. Contrôle la delete. Jean-Michel sera là dans quelques minutes. Pour nous en direct, on va se connecter à son bar. Et le bouton est là. Dès 20h, Jadoul et son équipe dans La Trappe. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Ma petite fausse sceptique, qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Pourquoi on met la main devant la bouche quand on baille? Ça vient alors, d'où? Sur Instagram, on me dit Antoine Libotte vous a identifié dans une publication. Donc ça, on le sait. Et pour éviter de perdre son âme. Ah ben il a gagné, enfin cette personne a gagné. Bravo! Mais non, c'est ça vrai. Oui, ça vient du Moyen Âge et c'est devenu un geste de politesse maintenant. Mais à l'époque, on faisait ça parce que quand on baillait, on avait la peur qu'en ouvrant la bouche comme ça, son âme s'échappe ou que des trucs, que des esprits malins viennent à l'intérieur de nous et nous possèdent. Dingue. Donc on mettait la main devant la bouche quand on l'ouvrait grande comme ça pour éviter ces petits problèmes. Vous ferez grande. Mais il y a d'autres explications. C'est pas possible que ce soit que ça. Si, si, c'est resté un tic, une habitude, et maintenant c'est devenu un geste de politesse. Quand vous le faites pas, votre mère vous dit la main dans la bouche. Mais, dans la bouche oh, devant, la... devant la bouche. Mais voilà, ah, ça vient de ça. Truc. Ah, c'est fou. Ok. Non, mais moi je me rappellerai toujours en cours. Il suffit de. C'est le matin, ouais. C'est la première heure, c'est l'hiver, tu rentres enfin au chaud avec le chauffage et tout, et là tu bailles dans le fond de la classe. Là. Et là, la prof, tu sais ce qu'elle te. Ah, je t'ai fait bailler alors que je faisais semblant. Moi aussi, je me retiens. Un bon bailleur en fait bailler. Je suis surtout moi en train de bailler là. Et là, la prof, est-ce qu'elle me faisait, mais systématiquement. Jadoul, la main devant ta bouche, on voit tes amygdales, c'est scandaleux. Voilà. T'aurais pu lui sortir. Oui, c'est même pas de la politesse, ça vient juste d'une croyance débile du Moyen-Âge. Et non, quatre pattes, une chaise. Moi, simple. Ouais, ça aussi, mais moi, je répondais simplement. Et vous voulez voir autre chose? Voilà. Et c'est plus bas que mes amygdales. Oh non. Oh. Ah, allez. Mon Dieu. Bon, c'est la seule explication qu'on a à ça. Oui, oui. Moi, il me croit pas, Jadoul. Bah non, parce que moi, franchement, je trouve que l'explication des dents qui tombent, ça tient la route aussi. Pourquoi? Bah, tu bailles, tu ouvres tellement. Ou alors, non, c'est plus que les dents qui ça, se déchaussent. C'est une phobie, ça. Je dirais que c'est parce que comme si tu bailles trop fort, tu peux te déboîter la mâchoire. Mais tu en théorie, quoi? Tu tiens pas ta mâchoire quand tu bailles. Mais tu mets juste dents, ta main devant. Ni tes dents, tu la mets devant, ça touche c'est pas. Pour maintenir c'est la comme mâchoire. Un paiement sans contact, ça touche pas. Oui, mais imagine. Là, tu bailles trop et ma mâchoire. Mais qu'est-ce que de mettre sa main devant va changer les choses? Bah, tu la maintiens parce que sinon. Et tu touches pas. Comment il baille? Vas-y, baille pour de vrai. Allez, baille, on te regarde. Mais non, mais mets ta main. Mmh. Mais tu vois, tu touches pas ta mâchoire. Ah, tu fermes un œil, toi, quand tu bailles. Je me suis mordu maintenant, bravo. On part sur un débat de. Ah oui, là. Et ça va. Bon, comment vous baillez, vous, dans l'équipe? en Wi-Fi 6E. Ouais, alors là, on a rien compris. Waouh, Jadoul et son équipe dans la trappe. Attention, selon la science et quelques prédictions savantes. Maintenant, Rix risque de faire une séquence en français et sans bafouiller. Non, je déconne. Dès 20h, Jadoul et son équipe dans La Trappe. Attention tous en chœur avec l'accordéon de Monique. Hey, hey. Mais c'est vrai que ça ne se chante pas de l'accordéon. Je vais dire tous en chœur, mais c'est un peu compliqué. Je vous propose que, comme chaque semaine, on se connecte à Jean-Michel, notre grand ami. Il tient un bistrot cette saison et on prend de ses nouvelles. Et il nous témoigne de ce qu'il entend comme conversation à son bar. Il a un peu notre fuine, vous savez, gars qui entend tous les ragots, le géranium, quoi, comme on dit. Bref, on va ouvrir son micro. Bonsoir Jean-Michel. Mr. Hall. De quoi? How are you? Éloignez-vous de votre micro, je vous en prie. Là, c'est vraiment pénible pour les oreilles. Vous vous êtes mis à l'anglais, donc ça y est, international de German Chair. On s'entend dire que je reviens tout juste d'un séjour avec Monique à New York. Monique à New York? Attendez, je savais pas que vous étiez parti, Jean-Mi. Ah bah si, bah c'est Monique, c'est parce qu'elle me bassine à chaque fois avec son voyage et tout ça à New York. Alors moi j'ai pas eu le choix, j'ai dû réaliser son rêve, mon Jadoul. Hein. Oh, c'est bien ça. Mais alors je ne te dis pas, hein. À peine revenu au bistrot, j'ai entendu les mauvaises langues parler au comptoir. Et qu'est-ce que vous avez entendu encore? Un avion cargo. Je ne sais pas trop quoi là. À partir de... est parti de New York. Mais parce qu'à partir... Ne me coupez pas, à destination de la Belgique. Et donc il a dû faire demi-tour à cause d'un cheval qui a échappé de son box. Alors que la vérité, bah moi je la connais, hein, et je vous l'explique en musique tout de suite. Je pense que Jean-Michel a oublié de chanter. Jean-Michel, vous êtes bien là? Jean-Michel? On se cabra soi? Oui, on vous reçoit. Mais alors, là, ce que je vous conseille de faire, c'est quand la chanson démarre, vous chantez. Vous voulez que je vous le fasse en live? Bah, non. Oh, je peux vous le faire en live, si vous voulez, hein. Je pense qu'on a reçu votre cassette. Voilà, c'est juste que vous n'aviez pas envoyé la bonne version. D'accord. Allez, c'est bon, on va l'écouter. Ah non, c'était la semaine dernière. Vous vous foutez de moi, monsieur Jean-Doul? Oui, bah excusez-nous, hein, on fait cette émission avec le cœur, comme on l'a dit. Allez, je vous paye une tournée à tout ça. Allez, c'est parti. On va y arriver, hein. Allez-y, Jean-Michel, chantez. C'était Monique et moi dans cet avion en provenance des États-Unis d'Amérique. Pour ça. Durant le vol, on s'était réfugié entre la soute à bagages, les toilettes et les cabines. Croyez-vous que l'on soit gêné? Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai enlevé ma chemise et elle s'est rompue. Elle est venue sur moi et on a fait craquement de hop, hop, hop, hop, Jean-Michel, arrêtez s'il vous plaît, on veut pas les images, non, ça devient répugnant là, je veux pas savoir. Comment, j'adore, vous voulez les images? Ah, attendez, on a tout filmé, hein, j'ai tout sur mon petit téléphone. Non, non, pas hein. D'images, s'il vous plaît, je ne veux rien imaginer, ni faire de constat. Non, c'est pas ça. Arrêtez de chercher, nous allons faire comme si on n'avait rien entendu. Hein. D'ailleurs, Jean-Michel, attends, qu'est-ce qui se passe? Je suis, allô? On m'entend? Jean-Michel, non, c'est fini. Allez, hop là, vous savez quoi? Allô, tu m'entends? On l'a coupé, il n'y a plus de Jean-Michel. Parce que là, je pense qu'il allait déraper, encore une fois, nous emmener sur des terrains boueux, comme on le connaît, donc on va peut-être éviter. Merci beaucoup, Jean-Michel, bah, il ne m'entend plus, d'être passé cette semaine, et puis on se tiendra au courant pour la suite. Les 20h, c'est La Trappe sur KIF. La Trappe, tous les mercredis des 20h, avec Jadoul. Sur KIF. Et j'en appelle à l'ordre général. Nous sommes très dissipés aujourd'hui. Oui, hein. Beaucoup trop d'ailleurs. Oh là là. Oui, mais ça, c'est la fatigue. Hein. On commence à nous connaître. Ah, bon, on prépare les fêtes, on prépare l'émission de 4 heures, c'est à cause de ça. Vu qu'on est super à la bourre, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est soit Brittany, soit le perdu sur l'internet. C'est vous qui choisissez. On a les deux. Mais il faut faire un sacrifice là avant le blanket. Allez, la Brittany. La Brittany. Oui, Brittany. On se fait Brittany. Allez, on se fait Brittany. Oui. Vous faites ce que vous voulez. Ça va le vestiaire de foot ici? On se fait Brittany. Ouais, enfin, calmos. Hein. On y va. Bah, on se connecte au monde merveilleux de Brittany. Vous savez, c'est notre influenceuse en mévie. Hein. Vous comprenez, hein, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? On a envie de savoir. Par exemple, Maëva, on sait ce qui s'est passé dans sa vie. Hier, elle était à Disneyland. Et là, elle a fait un concours de mangeurs de hot dog. Non, c'est pas vrai. J'ai mangé un burger. En fait, c'est chez Annette, donc c'est à côté de Disney, c'est dans le Disney Village. Pour si tu manges un 100 euros le burger. Non, 28 euros le burger. Si tu manges, mais c'est un burger avec 600 grammes de viande, donc 6 steaks hachés, 4 morceaux de pain et tout, les tomates, la salade et tout, plus les frites. Et si tu arrives à manger tout, et crois-moi, c'est difficile de tout manger, t'as un milkshake gratuit. Et spoiler alert, j'ai eu mon milkshake gratuit. Tu t'es enfourné toutes ces viandes. Ça m'a pris une heure et demie. Mais j'ai pris 4 fois le plat. On s'est challengé avec ma pote et on a réussi. Ah, elle aussi, elle en a bouffé un. Oui. Et maintenant, j'ai du cholestérol. Eh oui. Oui, mais ouais, mais j'ai bon milkshake. Du coup, et comme c'était hier, je n'ai toujours pas été à la toilette. Et je peux vous dire que ça commence à ruminer. Ça commence à peser. Hein. Merci. Ça va, faut s'animer. Et bon appétit si vous passez cette. C'est propre. On embrasse Master Fried qui est juste en bas et qui ne va plus te voir pour les 10 prochaines années. Maintenant que t'es dégoûté. Allez, merci de nous avoir choisis. On se connecte maintenant à notre influenceuse, Brittany. Ouais. Elle est loin des clichés des influenceuses. Non, elle est dans son monde, le petit monde de Brittany. Coucou mes ninis, c'est Brittany. Aujourd'hui, pour avoir un maximum de vues, je vais vlogger ma journée à Disney parce que je suis chez Mickey en fit. Ah ouais, je suis avec ma FBFF DLV, c'est ma fucking best friend forever de la vie. Elle s'appelle Martika. Avant, on n'était que BFF, best friend forever. Mais depuis qu'elle a arrêté de tourner autour de mon ex Kevin et on a eu une vraie discussion profonde dans les toilettes de la boîte de nuit de Charleroi, on s'est vraiment rapprochés. Ah ouais. Qui aurait cru qu'une odeur de caca, ça ferait de si belles amitiés. Bref, je vous emmène avec moi et Martika Mévi. Wesh, par contre, je comprends pas. Genre un truc de science-fiction, quoi. Ici, il neige, mais que dans Main Street. Mais genre de la vraie neige. Et j'ai essayé de manger un flocon, sauf qu'il y avait un goût de savon. Genre Mickey, il est trop fort. Il parfume son ciel pour que la neige, elle ait bon goût. Hein. En tout cas, j'ai adoré. Ça avait le même goût que mon shampoing pour faire pousser les cheveux. Hein. D'ailleurs, si vous voulez le goûter, mon shampoing, et avoir des longs cheveux comme moi avec les extensions, bah, oubliez pas mon code promo, Brittany10. Hein. Il sent trop bon et il sent le pétrole, en fait. Mais je sais pas si Mickey il fait tout ça parce qu'il a beaucoup de sous ou s'il a des pouvoirs magiques. Parce que ce matin, le château, il était rose. Et maintenant, le soir, il y a des dessins dessus pour la parade. Et genre, j'ai pas vu la journée les peintres. Ils ont fait ça super vite, je comprends pas. D'ailleurs, la parade, je vous conseille, hein, c'est trop beau. Hein. Et Mickey, il m'a reconnu. Je pense que c'est un follower et il sait que je suis une star des réseaux parce qu'il m'a fait coucou. Hein. Mais pour avoir une bonne place pour la parade, je vous conseille de venir tôt. Hein. Wesh, faut se battre avec tout le monde si tu veux avoir une place. On aurait dit la guerre mondiale de 1978, genre. Voilà mes ninis, hein. J'espère que ça vous a plu. Hein. Je vais vous laisser parce que c'est super fatigant une journée chez Mickey, wesh. Je suis au bout de la roulette. Hein. On se retrouve la semaine prochaine pour plus d'astuces beauté. Hein. Bisous et cœur avec les doigts. D'accord, on est toujours sur vraiment le haut du panier. Hein. La fine fleur des réseaux sociaux. Et tiens, il n'y a pas de lien avec Disney, là? Attends. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Mais Eva, hier, tu étais à Disney. Oui. C'est ça. Là, attends, mais je comprends pas. T'as pas croisé une seule fois Brittany? Mais il y a des milliers de personnes dans le parc, t'es marrant toi. Est-ce que quelqu'un a une photo de Brittany pour qu'on la regarde? Attends, je l'ai ici. Vas-y, montre. Donne. Mais putain, elle te ressemble? Non, dis pas ça. Ne dis elle pas ça. Ressemble. Non, il y a rien à voir. C'est non. Elle a les petits cheveux comme toi, tout beau. C'est parce qu'elle mange son shampoing. Elle mange des nuages. Attends, montre sa story un peu. Elle a bouffé. Elle a reçu un milkshake gratuit, mais pourquoi? Waouh! Attends, elle s'est enfournée un énorme burger gigantesque avec sa meilleure amie, elle aussi comme par hasard, et on n'a jamais vu Brittany et Maëva au même moment. Enfin, si, pour le coup. Pas parce qu'on s'y était, mais. Enfin, oui, vous avez jamais vu Brittany non plus? Maëva. Non. Allez, dis-nous tout. Non, ça n'a. Non, non. Lâche le morceau. T'as une double vie? Non. Mais comment vous pouvez me comparer? Enfin, je ressens pas ça. Est-ce que tu as d'autres personnes qui vivent en toi? Non. Enfin, non. Est-ce que tu as d'autres personnes? On fait un test. On va faire un test. Voir. On essaye. Essaye d'imiter Brittany, Maëva. Attention, prépare-toi. Bah, on fait un essai. Coucou mes nini. Ah, il y a quelque chose. Hein. Moi, je trouve qu'elle y ressemble. Ça se rapproche un peu, oui. Coucou mes nini. Bah, ouais, non. Attends, vas-y, concentre-toi. Coucou mes nini. Mais c'est elle. C'est elle, la vraie Brittany. Elle a deux personnalités. Waouh. Et ça valait la peine de faire grève. Hein. Du coup, toi qui voulais que Brittany vienne un jour dans le studio, bah c'est fait. Waouh. Je savais pas que c'était la même personne. Non, non, mais non, c'est juste que je l'imite très bien. Ouais, c'est ça. Faudrait que tu me dises quel est le lien avec l'international socialiste. Aucune idée, mais alors ça, j'aurais très bien pu mettre. Bah quoi, ça te plaît pas, Maëva? Si, on aurait dit c'est la fête de dans La Belle et la Bête, j'allais dire c'est vraiment dans Disney, on est dans. Ouais. Oui, parce que si tu allais me dire ça ressemble à La Belle et la Bête quand je mets ça. Là, je me serais posé des toutes petites questions. On l'utilise pas assez, ce truc. The Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. C'est le retour du grand Blaine Clet. On va avoir un grand moment dans cette émission, puisqu'évidemment, nous avons notre huissier de justice qui est là comme toutes les semaines. Ah non, c'est pas ça. Oh là là, mais oh, enfin, mais j'adore. Mais je suis malade aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive ? On ne maîtrise pas, je suis l'huissier du choix. C'est pas lui ? Oh, merde. T'as un bouton sur lequel tu dois appuyer, Jadou. Un bouton. Ça, c'est une insulte. Oui, voici votre générique. Je suis maître le feu. Ah, oh là là. C'est moi qui mets vos points. Ah, je préfère l'autre. Pour pas être une clète. Ah, c'est mauvais, hein. Font gagner au plein clète. Voilà, merci. Je remercie le CPAS de me sponsoriser. Arrêtez. Dites les gars, maintenant que j'ai fait l'enregistrement, je peux dormir dans le studio? Non. Non? Franchement, j'essaye de m'en sortir et vous me laissez dans la merde. Et avec plaisir. Oh, mais c'était le générique le plus long de... Je ne supporte plus Maître Le Feu. Bonsoir, Maître Le Feu. Pourtant, j'étais très rapide. Ah ouais, quand même, là, vraiment, on sent une énergie qui se dégage de vous. Est-ce que là, vous pouvez vous donner un énorme coup de speed et nous dire « Waouh, je suis content d'être avec vous ce soir ». Waouh. Je suis content d'être avec vous ce soir. Allez, c'est bien, on n'aura pas mieux. Je vous propose qu'on démarre avec notre première manche. Jouez avec nous dans la voiture. Il faut reconnaître titres, artistes, originaux. Tout vient de TikTok, tout est très mauvais. Vous jouez les uns contre les autres. Antoine versus Maeva versus Kix qui peut aussi participer. Ah, merci. Merci d'être venu. Je fais partie du décor, mais merci. Allez, on y va. Premier extrait, première manche. C'est dans quelle langue? C'est de l'anglais, enfin. Vous reconnaissez pas? Lady Gaga? Non. Allez. J'arrête le son dans 3 secondes, là. Si. Imagine Dragons. Oui, Imagine Dragons. Maeva, allez, s'il te plaît. Imagine Dragons, Demon. Ah, oui. Il n'y a rien. Mais Jadoul, qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas moi. Là, c'est les sons qui ont mal été préparés dans la machine. Hein. Voilà, merci monsieur. Oh là là, j'ai du monde à virer moi cette semaine. Waouh. Waouh. Imagine. Je tape, hein, je vais chercher moi-même dans la base de. Dragon. Image. Émile et Image. Image à la il m'entraîne au bout de la nuit. Non. Très bien. Qui ça, qui ça? Vous êtes une énorme bande de regards. Qui ça, qui ça? Maeva sonorisation pour faire tout. Avec featuring DJ FLP. Oui. Son papa. Je regarde la mer qui se balance. Qui est aussi son frère. Je veux un disque de funky music. Son papa qui est également son cousin. On peut arrêter de faire les cons là, s'il vous plaît. Merci. Allez, on y va. Deuxième manche de ce Blanklet. Si on est encore à l'antenne la semaine prochaine après toutes nos conneries, franchement, on aura réussi un miracle. Finalement, les 4 heures, on vous les donne pas. Ouais. On va perdre le prime. Ouais. Allez, on y va. Tu as le look, Coco. Oh, Coco, t'as le look. Pas de doute, coco. Bah, t'as le loup coco, mais oui. je sais plus. Alors, qui chante ça? Je sais pas, c'était une pub. T'as le tube, coco, coco, t'as le tube. Ah, je sais plus. Pas de doute, coco. T'as le look qui te colle à la peau. Elle est dans le rythme. Look amoureux fauché. Je t'aime en PCV. Personne ne sait ce qu'il dit. Ouais. Je l'ai sur le bout de la langue. Ah, mais ouais, mais si je te donne les initiales, tu l'auras, tu penses. Ah. LV. Et t'as pas sans mal. Louis. Non. T'as le look, coco. Ludovic. Coco, t'as le look. La Roche-Valmont. Ah, la Roche-Valmont. Ah, bah oui, bien sûr. Je l'aurais jamais trouvé. Coco, t'as le look. Pas de doute, coco. À la peau. Ce titre est également disponible dans les sonorisations Maeva. Allez, allez. Tu fais le beau. Maeva et son papa, son frère, son cousin Didier FLP. Le look te colle à la peau. Pour toutes vos soirées. Ne pas. Oh la vache. C'est plus possible. Hein. Bon, la version TikTok, ça donne ça quand même. Coco, t'as le look. Pas de doute, coco. T'as le look qui te colle à la peau. Tantantant. Ah oui, ça va. C'est vrai que c'est pas très loin de ça. Il faut faire un petit point là, s'il vous plaît. Je suis maître le feu. Alors, qu'est-ce qui se passe, maître le feu? Ah bah, ça fait un point pour Maeva. C'est très gentil. On y va, on se fait la deuxième manche. Concentrez-vous tous, c'est parti. Baby, troisième manche. Baby, faudrait rentrer, tu vois. Que c'est en mal d'être avec toi. La machine à café était traquée. Les cendriers. Téléphone? Oui. Cendrillon? C'est vrai? Non. Enfin non, c'est pas téléphone exactement. Jean-Louis Aubert? Jean-Louis Aubert? Oui, voilà, merci. Non, c'est pas lui. Bah oui, non, c'est ce que j'allais dire. Louis Bertignac. Oui, oui, bien, Kix. Merci. Et c'est quoi le titre? Allez, alors Antoine, je compte sur toi. Attention, refrain. Ouais, bah, d'ailleurs. Cendrillon? Non. Non, bah non. Enfin, j'étais persuadé. Faut pas laisser traîner là. Oh le. Non. On me le souffle sur mon Instagram, Jajadoul. Il, pouvait bon, il vient de le dire, hein, il vient de dire, c'est ces idées-là. Ah non, lui, c'est le vrai chanteur, faut pas lui donner un coup de pelle. La version TikTok, par contre. Faut pas laisser traîner là. Moi, je trouve qu'il a un petit timbre de voix quand même qui a son mérite. Alors non, je retire, ça fait bistrot de fin de soirée. En plus, il a des gens avec lui ou ouais, il a mis une reverb? Je pense river, que c'est un karaoké là. Il se fait huer. Ou il a mis une reverb. Oui, il se fait huer, c'est ça. Ouais. Wow. Oula. Ah ouais, quand même. Ça, c'est, ouais, c'est nul. C'est la fin de soirée. Monsieur, on monsieur, peut arrêter le massacre. On va fermer je pense. La boîte. Voilà, c'est fini. Là. Comment ne pas m'imaginer ta petite gueule entre ses bras? Comment ne pas prier? Allez, c'est bon. Mettre le feu, les points. Enfin, un point pour Maeva, un point pour Kix et zéro pour Antoine. Bon, enfin, Antoine, il faut se reprendre. Bah écoute, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Un peu comme l'émission aujourd'hui. Oh, bon, on peut avoir une panne. voici la. Avant-dernière manche, on se concentre. Enjoy the silence, Dépêche Mode. Ah là, on a besoin d'un expert. Je suis maître le feu. On départage comment là? Parce que franchement, ils ont été en même temps sur Dépêche Mode. Enjoy the silence, bon, Maeva là, ça d'office. Mettre le feu, on en pense quoi? On va un peu mettre un point en deux. Allez, on va faire ça. Alors, parfait, merci beaucoup. On écoute quand même la version TikTok sur le temps qu'on prend note des points. Comment on peut massacrer une aussi belle chanson? Bye. Oh, Vous avez entendu, écoutez bien, écoutez bien la fin. This is a ballet. Bye. Wow. C'est un décapsuleur. Ah, c'est dégueulasse. C'était la dernière manche, non, on se fait vite la dernière. You have come to show. Non, on va pas faire celle, on n'a pas le temps. Non, non plus, on n'aura pas le temps, bon, tant pis. You have come to show you. Go on. My Heart Will Go On de Céline Dion. Bravo, Maëva. Ah, c'est autre chose. Un petit récap des points, mettre le feu. Ah bon, ça fait une victoire demain et 20 avec 3 points. Oh ben bah voilà. Bah voilà. Vivi d'Antoine et Kix avec 1 point. Tout le monde est content, ça va. Ah bah ça en a l'air. Merci beaucoup. Je vous embrasse, l'équipe. Passez une belle suite de semaine. Merci bien, toi aussi. Bah, surtout un bon moment pour moi, parce que là, je suis crevé. Et en forme la semaine prochaine, Jadoul. En forme, très en forme. Encore plus que cette semaine. Non, non, non, vaut mieux pas. D'ici là, en podcast. Bisous. Bisous. Jadoul revient mercredi prochain.